Cet enregistrement vous est proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Choisissez ce que vous écoutez quand vous voulez. Rendez-vous sur www.trésorsonore.com ou sur l'application téléphonique. J'aimerais que nous lisions ce matin quelques versets dans le chapitre 11, à partir du verset 40, et nous lirons jusqu'au chapitre 12 et le verset 5. Au temps de la fin, le roi du sud se heurtera contre lui, et le roi du nord fondra sur lui comme une tempête avec des chars, des cavaliers et de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, débordera comme un torrent et passera. Il avancera dans le plus beau des pays et beaucoup trébucheront. Mais Édom, Moab et les principaux des Ammonites échapperont de sa main. Il étendra sa main sur divers pays et le pays d'Égypte n'échappera pas. Il se rendra maître de trésors d'or et d'argent et tous les objets de prix de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens marcheront sur ses traces. Des nouvelles de l'Orient et du Nord viendront l'épouvanter et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne. Puis il arrivera à sa fin sans que personne ne lui soit en aide. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, celui qui tient bon en faveur des fils de ton peuple. Ce sera un temps d'affliction tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. En ce temps-là, ton peuple échappera. Quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte, pour l'abjection éternelle. Ceux qui auront été des clairvoyants resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secret de ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup alors le liront et la connaissance augmentera. Avant de nous arrêter sur ces quelques versets que nous venons de lire, j'aimerais résumer rapidement le chapitre 10 et le chapitre 11 que nous avons omis, non pas qu'ils soient inintéressants, mais tout simplement par manque de temps. Ce sont des chapitres assez étonnants qui ont d'ailleurs été la raison pour laquelle nombre de commentateurs, et de commentateurs modernes en particulier, refusent de voir en Daniel une véritable prophétie. Il y a en effet un résumé extrêmement précis des événements qui marquent ce que l'on appelle la période intertestamentaire, ça veut dire ce temps qui n'est pas mentionné entre l'Écriture et le Nouveau Testament et qui doit conduire à ces événements que nous avons déjà évoqués, la révolte des Maccabées. Aucune prophétie de l'Écriture n'est aussi précise. On peut, derrière les personnages dont les noms ne sont pas cités, mettre le nom d'un personnage historique précis. Et ici, nous avons deux hypothèses seulement. Ou bien nous avons ici une inspiration prophétique extraordinaire, ou bien c'est une prophétie, comme on dit, post-eventu, c'est-à-dire une prophétie qui a été donnée après les événements, c'est-à-dire une fausse prophétie, une soi-disant prophétie. Tout dépend évidemment de la position dans laquelle on se pose. Si on croit à la réalité de l'inspiration prophétique, alors c'est la première hypothèse que l'on adopte. Si l'on est, comme hélas c'est le cas de beaucoup d'exégèses, de ceux qui rejettent la réalité même de l'inspiration prophétique, on adopte la deuxième hypothèse. Il est bien certain que pour ce qui nous concerne, c'est la première hypothèse qui est la bonne. Nous croyons que le Seigneur a véritablement inspiré cet homme qui était Daniel pour que des dizaines d'années d'avance, il puisse annoncer avec précision ce qui devait se produire. Ceci dit, nous nous retrouvons devant un autre problème. Ces événements, qui se sont en grande majorité accomplis à cette époque que l'on appelle l'époque intertestamentaire, en quoi nous concernerait-il? Et quand nous lisons les chapitres 11, des versets 40 à 12, verset 5, comme nous venons de le faire, nous constatons qu'il y a une relation, une continuité entre ces événements qui se sont produits à l'époque qui a suivi la mort de Daniel jusqu'à la révolte des Maccabées, et puis finalement ce qui est dit ici. Et là, même les exégètes qui croient à la deuxième hypothèse, c'est-à-dire que nous avons ici affaire à des prophéties qui ont été données après les événements, constatent qu'à partir du verset 40 du chapitre 11, les choses ne collent plus et ne coïncident plus avec des événements historiques que nous connaissons. Et il est intéressant de noter que le chapitre 40 nous dit ceci, « Dans les temps de la fin ». Par conséquent, tout se passe comme si, à partir de cette période qui est caractérisée par cette révolte des Maccabées, on passe pratiquement sans transition au temps de la fin. Et là, j'évoquerai un théologien tchèque, justement, dont j'ai oublié le nom, qui a mis en évidence une loi de la prophétie, une loi qu'il a appelée les cycles prophétiques. En regardant la Bible et l'histoire biblique, il a constaté qu'il y a des séries d'événements annoncés par les prophètes qui ont tendance à se reproduire à plusieurs reprises dans l'histoire. Et il est arrivé à cette conclusion que ces événements se produisent toujours dans le même ordre, dans la même séquence, dans le même cycle. Et cela, chaque fois que les circonstances redeviennent semblables. Si bien que lorsque l'on se trouve dans le début d'un de ces cycles, lorsqu'on se trouve dans le contexte de circonstances qui ressemblent à celles que l'on trouve dans la Bible, on peut annoncer ce qui viendra ensuite en se référant à ce qui s'est accompli dans le passé. Pour être un petit peu plus concret, et prendre quelques exemples pour que vous compreniez de quoi il retourne. Le cycle prophétique le plus souvent évoqué dans la Bible concerne bien sûr le peuple d'Israël, et c'est le cycle péché, endurcissement, châtiment, exil et retour. Vous avez plusieurs séries de ce cycle qui reparaissent dans l'histoire. Par exemple, au moment de l'exil de Babylone, on trouve ce cycle qui se réalise puisque le peuple d'Israël a été averti par les prophètes, n'a pas pris garde à ses avertissements, s'est endurci dans son péché et par conséquent, Jérusalem va être rasée, le temple va être détruit et le peuple va partir en exil. Et au bout de cet exil, il va revenir dans son pays. On retrouve ce cycle déjà prophétisé dans le livre du Lévitique et dans le livre du Deutéronome. Si vous n'écoutez pas les paroles de cette Torah que je vous prescris aujourd'hui, alors je vous déporterai, je vous exilerai loin de votre pays. Ce qui est arrivé aux nations cananéennes que j'ai chassées devant vous et dont vous aurez imité les abominations, vous arrivera à vous aussi, vous serez expulsés de ce pays. Mais l'exil n'est pas le dernier mot. Et le livre de Deutéronome nous dit ceci, « Quand bien même tu serais exilé jusqu'aux extrémités de la terre, de là l'Éternel ton Dieu te rassemblera dans le pays, il te fera grâce, il circoncira ton cœur. » et il te plantera à nouveau dans ce pays pour te faire plus de bien qu'il n'en a fait à tes pères. » Ici, ça n'a rien à voir avec l'exil de Babylone. Et puis nous retrouvons ce cycle prophétique aussi dans les paroles de Jésus que nous avons méditées hier, où il nous dit que lorsque sera dressée cette abomination du dévastateur dont a parlé le prophète Daniel, que nous avons identifié avec la ruine de Jérusalem par les Romains en 70, ce peuple qui n'a pas aussi écouté les paroles du prophète Jésus et des prophètes tels que Jean-Baptiste qui l'avait précédé, va à nouveau subir ce qu'ont subi ses pères. Jérusalem va être rasée, il va être dispersé parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à la fin du temps des nations. Et même si Jésus ne dit pas d'une manière explicite qu'à la fin de cette période d'exil, le peuple d'Israël sera rassemblé dans son pays, il est bien évident que c'est sous-entendu. Au temps de la fin, de la même manière que le peuple d'Israël avait été ramené de cet exil à Babylone, il sera ramené de cet exil dans toutes les nations. Par conséquent ici, cela signifie, en bref, que une séquence d'événements prophétiques qui s'est produite à une certaine période de l'histoire peut également se reproduire dans l'avenir à une autre période de l'histoire qui lui est semblable. Et c'est exactement le sens de ces prophéties que nous venons de lire ici dans le livre du prophète Daniel. Il y a eu un premier accomplissement prophétique de ces événements lors de ce que l'on appelle la révolte des Maccabées. Il y aura au temps de la fin un deuxième série, un nouveau cycle du déroulement de la même séquence des événements prophétiques qui aboutira cette fois-ci à ce que nous avons lu hier et ce sur quoi nous avons médité, c'est-à-dire l'établissement définitif du royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle, dans les chapitres 10 et 11, le début du chapitre 11 du livre de Daniel, il est fait essentiellement à référence à des événements qui suivaient la mort du prophète jusqu'à la révolte des Maccabées. Et à partir du verset 40, on passe au temps de la fin, c'est-à-dire à une période où ces mêmes événements se reproduisent, mais cette fois-ci pour aboutir à cet établissement de la justice éternelle, ça veut dire du royaume de Dieu. Et là, les derniers versets que nous avons lus de ce texte nous renvoient à ces prophéties, à ces visions de Daniel que nous avons déjà évoquées, c'est-à-dire l'établissement du royaume de Dieu au temps de la fin. Notons aussi que le roi profanateur de l'époque des Maccabées, Antiochus Épiphane, devient alors un type de cet antichrist que nous avons également évoqué. Maintenant, je voudrais revenir sur le verset 10 et verset 1. Chapitre 10, verset 1, nous est dit. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. Cette parole est vraie. Il y aura un grand combat. Alors, cette expression est assez difficile à traduire. Et il faut y voir, il y aura la grande guerre. Qu'est-ce que c'est que cette grande guerre? Cette guerre, c'est la guerre finale, l'ultime combat eschatologique qui verra précisément l'avènement du royaume de Dieu. Ce qui veut dire que les événements qui vont être décrits à partir de ce verset premier du chapitre 10 vont mener directement à cette grande guerre, cette guerre finale, qui ne correspond à aucun événement historique connu, mais qui aura son accomplissement au temps de la fin, au moment du retour du Fils de l'homme en gloire, c'est-à-dire à la venue de Jésus. Un petit détail, il nous est donné ici une indication chronologique, et si l'on fait un petit calcul, on se rend compte qu'au moment où il a reçu cette révélation, Daniel devait avoir autour de 88 ans. Ça veut dire qu'il n'était pas très jeune comme on peut l'imaginer. Et ici, nous retrouvons des éléments que nous avons déjà retrouvés dans notre texte, et je reviens maintenant ici à ce que nous avons lu. Verset 40. Deux rois. Deux rois qui vont tenter de s'allier pour réaliser cette grande guerre, cette guerre finale, qui est l'objet de cette ultime vision que Daniel a reçue de l'ange. Ces rois, rois du nord et rois du sud, nous les avons déjà rencontrés dans le chapitre 2 du livre du prophète Daniel et dans le chapitre 7. Dans le chapitre 2, la vision de la grande statue, le roi du nord a été assimilé avec le fer, qui constitue l'Empire romain, et la poursuite de l'Empire romain après sa dissolution en un certain nombre de royaumes, les 10 orteils de la statue. Donc un royaume qui représente le nord par rapport à Israël, c'est-à-dire l'Europe. Et puis le roi du sud, assimilé avec l'argile de cette vision de la grande statue, le sud par rapport à Israël, c'est-à-dire le désert, et plus particulièrement le désert d'Arabie. Par conséquent, déjà des sages d'Israël, tels que Abravaniel, le Rambam, Ibn Ezra et d'autres ont identifié ce royaume du sud avec le monde arabe qui, au temps de la fin, jouera un rôle important sur la scène de l'histoire. Tout le chapitre 10 du livre du prophète Daniel évoque ces démêlés entre ce roi du nord et ce roi du sud. Des relations très ambiguës, à la fois conflictuelle et à la fois convergence d'intérêts. Si bien que il y a une tentative de ces deux rois de s'unir les uns avec les autres. Exactement comme le dit le prophète dans le chapitre 2, quand l'argile et le fer tentent de s'allier. Alors je sais que l'on objectera en disant, mais ce sont des choses qui se sont réalisées à la période asmonéenne, à la période hellénistique en Orient, le roi du Nord étant en l'occurrence le roi de Syrie et le roi du Sud étant le roi d'Égypte, Ptolémée. Mais si, comme nous l'avons dit, il s'agit là d'un cycle prophétique et que par conséquent ces événements doivent se reproduire au temps de la fin, nous pouvons comprendre qu'il concerne également notre temps. Et c'est la raison pour laquelle il nous est dit que ces rois seront ensemble à la même table. On parle aussi aujourd'hui de la table des négociations. Ils essaieront de se lier par des alliances humaines. Et assis à la même table, ils se parleront les uns les autres avec tromperie, d'une manière et d'une façon mensongère. Ça veut dire que chacun essaiera de tromper et de rouler l'autre. Et nous avons vu que, interprétant ces textes déjà dès le deuxième siècle après Jésus-Christ, les sages d'Israël ont dit, au temps de la fin, le royaume du Nord, c'est-à-dire l'Europe, issu de l'Empire romain, tentera de s'allier avec le monde arabe. Mais cette alliance sera une alliance contre nature. Le but sera de reconstituer ce grand empire. Ce grand empire qui prendra cette forme de cette quatrième bête, ce quatrième animal que nous avons retrouvé dans le chapitre 7. Et pour cela, eh bien, il y aura des intérêts communs. Mais de la même manière que l'argile et le fer ne peuvent pas s'allier, ne peuvent pas s'unir, de la même manière, cette alliance ne pourra pas aboutir véritablement. D'une manière apparente, il semblera qu'on arrivera à cette unification de ces deux mondes qui ont des civilisations tellement différentes, tellement opposées, que tout les divise. Et il y a, quoi qu'il en soit, une opposition, un antagonisme indéracinable entre justement ces deux empires. Mais pour des raisons d'intérêt, au dernier jour, eh bien, on essaiera de surmonter cet antagonisme pour créer cette alliance contre nature qui sera caractérisée, comme le dit le chapitre 10 de notre livre, par des alliances humaines. Et un des buts, un intérêt commun qu'auront ces deux blocs dans cette recherche de leur unité, de cette unité contre nature, sera l'élimination d'Israël. Israël considéré comme un gêneur. Il y a dans le livre des psaumes un psaume qui reprend cette idée et qui a été aussi commenté par les sages pour appuyer leur affirmation en ce qui concerne l'identité de ces deux royaumes. C'est le psaume 83. Et dans ce psaume 83, il nous est dit ceci. « Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne demeure pas tranquille, ô Dieu. Car voici que tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. » C'est très intéressant parce qu'il faudrait traduire depuis le texte hébraïque littéral, ils manigancent contre ton peuple des conciliabules secrets. Ça veut dire que dans ce qui est en train de se tramer contre le peuple d'Israël, il y a ce que nous savons et il y a ce que nous ne savons pas. Il y a toute une partie cachée. Le projet Eurabia dont je vous ai déjà parlé, qui est devenu le dialogue méditerranéen, a été longtemps gardé secret. Ce n'est que depuis quelques années, depuis qu'il est devenu le dialogue méditerranéen, que ce projet Eurabia a été révélé au grand public. J'en ai eu connaissance dès 1975, mais par des voies un peu détournées. Et il y a là donc ici des conciliabules secrets. Et bien que ce projet Eurabia nous soit révélé, il est évidemment indiscutable qu'il y a encore toute une partie cachée de ces conciliabules que nous ne connaissons pas. Un petit exemple, simplement pour illustrer ce que j'affirme, c'était à la fin du siècle dernier, il y avait à Genève, à l'hôtel Hilton, une conférence internationale sur le Proche-Orient. Et un journaliste chrétien évangélique américain se trouvait à cette conférence pour en faire un compte-rendu pour son journal, pour couvrir l'événement, comme on dit en langage journalistique. Et entre deux suspensions de séance, il se trouvait dans le grand hall de l'hôtel, le lobby, et là, il était dans un des petits box qu'il y avait dans le hall de cet hôtel. Il était en train de rédiger son article pour son journal. Alors il travaillait, il ne faisait pas trop attention à ce qui se passait autour de lui, et il n'avait pas réalisé que dans le box voisin, il y avait un prince saoudien qui était en train de converser avec un diplomate américain. Ces deux personnages ne s'étaient pas rendus compte que dans le box voisin, il y avait notre ami et frère, et ils se sont donc permis de parler librement. Pendant tout un temps, notre ami n'a pas fait attention à cette conversation qui se déroulait à ses côtés parce qu'il était absorbé dans la rédaction de son article. Et soudain, quelque chose l'a fait sursauter. C'était évidemment un propos qu'il n'était pas censé avoir entendu, mais il a dit « c'est Dieu qui a voulu que je l'entende, vraisemblablement ». Et ce diplomate américain était en train de dire à son vis-à-vis saoudien « tout va bien ». Nous avons la situation bien en main. Et je crois que nous serons à même d'accomplir la promesse que nous vous avons faite de vous livrer Jérusalem d'ici l'an 2000. Et notre ami a sursauté. Il dit, quoi? Les Américains se sont engagés vis-à-vis des Arabes de livrer Jérusalem, de leur livrer Jérusalem pour l'an 2000. Évidemment, il ne pouvait pas écrire ça dans son journal. Mais il l'a communiqué à quelques-uns des chrétiens qui me l'ont rapporté. Des conciliabules secrets. Ils tiennent des conciliabules secrets. Ils méditent contre ton peuple de mauvais desseins. Venez, disent-ils, faisons-les disparaître en tant que nation et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Le juif a le tort d'exister. Il est coupable d'exister. L'État d'Israël est coupable d'exister. Il est coupable d'un péché originel. Et s'il y a un monde désuni, s'il y a la guerre aujourd'hui dans le monde, c'est à cause d'Israël. C'est l'existence d'Israël qui empêche la paix et l'harmonie dans le monde. C'est l'existence même de l'État d'Israël qui fait qu'il y a des tsunamis au Japon. J'exagère à peine. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est la faute d'Israël. Éliminons Israël, faisons-les disparaître du sein des nations et nous aurons la paix, la joie et l'harmonie. Je ne sais pas si vous savez qu'à l'heure actuelle, la solution de deux États pour deux peuples, dont on parle maintenant constamment et qui déjà dans les faits existe, car les territoires autonomes palestiniens sont de facto un État. Par conséquent, dire Israël rejette l'existence d'un État palestinien, c'est complètement faux. Mais aujourd'hui, dans les chancelleries et dans les salons parisiens et autres, ou à Londres, etc., cette solution de deux États pour deux peuples est dépassée. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est ce que nous disons dans le psaume 83, « Faisons-les disparaître en tant que nation ». C'est Israël en tant que nation qui doit disparaître. Oh, rassurez-vous, nos diplomates sont des gens civilisés, policés, et ce ne sont pas des hitlériens. Ils n'envisagent pas un seul instant de faire disparaître ces Israéliens dans les chambres à gaz, non. Notre ancien président Sarkozy avait même oser dire à un certain moment que lorsque l'État d'Israël serait détruit, la France serait prête à accueillir sur son territoire tous les Israéliens francophones. Merci, merci à lui. Quelle grandeur d'âme. Mais voilà, ça nous montre ce qui est maintenant à l'ordre du jour. Faisons-les disparaître en tant que nation et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Verset 6, « Ils tiennent conseil tous d'un même cœur. Ils concluent une alliance contre toi. » Et suit ensuite une liste de ces nations qui se liguent dans ces conciliabules secrets, dans ce projet, dans ce dessein de faire disparaître Israël en tant que nation. Et vous avez les deux premiers, ceux qui sont à la tête de cette coalition, Édom et les Ismaélites. Édom, nous en avons parlé. Qui est Édom? C'est l'Occident. C'était le nom de code que l'on donnait à l'Empire romain du temps de Jésus. Par conséquent ici, à la tête de cette coalition qui est contre Israël, il y a l'Europe. L'Europe et les Ismaélites. Les Ismaélites, ce sont les descendants d'Ismaël, le père de la nation arabe. Et là, nous retrouvons dans notre psaume exactement ce que nous trouvons dans les prophéties de Daniel, cette alliance contre nature entre l'Occident et le monde arabo-musulman. Et le but commun, le but qu'ils se proposent de poursuivre, comme le dit ici notre psaume, c'est faisons-les disparaître en tant que nation et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Et c'est exactement ce que nous retrouvons dans les versets de Daniel que nous avons lus ce matin. Au temps de la fin, cette coalition entre le roi du Nord et le roi du Sud, entre Édom et Ishmaël, se concrétise, se caractérise par cette montée des nations contre Israël, contre Jérusalem. Il y a une situation très préoccupante dans laquelle nous nous trouvons. Il y a un an de cela, un peu plus d'un an, l'autorité palestinienne qui a rompu toute négociation avec Israël sur ce que l'on a appelé le soi-disant processus de paix, et qui maintenant accuse Israël d'être celui qui a fait capoter les négociations, a déclaré ceci: puisque les négociations avec Israël sont impossibles, il faut contourner l'opposition d'Israël à la création d'un État palestinien, parce qu'on continue à jouer le jeu. N'oublions pas ici que tous les dés sont pipés, les deux rois se parlent d'une manière mensongère, et ils parlent d'une manière mensongère à ceux qui les entourent. Alors on continue à faire comme si la solution du conflit était cette solution de deux États pour deux peuples. Mais la partie arabe a toujours bien précisé que cette création d'un État palestinien serait la première étape pour la destruction de l'État d'Israël en tant que tel. Ce serait une plateforme de départ pour aller plus loin et pour faire en sorte qu'Israël disparaisse en tant que nation, comme nous l'avons lu ici dans le texte. Et dans le livre d'Apocalypse, il y a un texte intéressant, il nous est dit qu'il y a des esprits de démons semblables à des grenouilles qui partent vers les rois de la terre pour les séduire. Et il y a un peu plus d'un an de cela, on a vu maintenant une formidable activité diplomatique de la part des représentants de l'autorité palestinienne qui ont envoyé des émissaires vers toutes les nations, notamment les nations du tiers-monde, mais pas seulement, pour que, à l'Assemblée générale des Nations unies, qui devait avoir lieu en septembre dernier, on accepte la création d'un État palestinien sans l'accord d'Israël et dont Jérusalem serait la capitale. L'an dernier, ce projet s'est heurté au veto des États-Unis, de telle sorte qu'il n'a pas vu le jour. Il est très intéressant de noter que la France ne s'y est pas opposée. Elle a été un des États d'Occident qui ne s'est pas opposé à ce projet. Alors pour l'heure, ce projet a été rendu nul, mais les Arabes n'ont pas renoncé. Et à l'heure où je vous parle, cette activité diplomatique se poursuit. Déjà, quelques avancées ont eu lieu dans ce domaine. Par exemple, l'UNESCO a reconnu l'État palestinien. Et il a maintenant rang de nation au sein de l'UNESCO, de telle sorte que maintenant des lieux saints comme la basilique de la Nativité à Bethléem fait partie du patrimoine de l'État palestinien. Et actuellement, cette idée de recréer, de proclamer un État palestinien sans accord avec Israël, ressurgit et va être à nouveau présenté à l'Assemblée générale de l'ONU en septembre prochain. Est-ce que cette fois-ci la résolution va passer ou pas? Je n'en sais rien. Mais il y a cette idée qui est lancée. Que ce soit cet automne ou que ce soit d'ici quelques années, cela finira par se faire. Et quand nous serons dans cette situation, l'État d'Israël sera dans un contexte extrêmement difficile. Ou bien alors, il accepte cette résolution. Ça veut dire qu'il accepte de démembrer son territoire. Il accepte de renoncer à sa souveraineté sur Jérusalem, qui a été récupérée en 1967. Ça veut dire qu'il accepte un État qui va être un État qui n'aura aucun compte à lui rendre, qui pourra s'armer autant qu'il le voudra, et qui par conséquent pourra l'attaquer à tout moment. L'État d'Israël qui sortirait de cet accord aurait, entre le Jourdain et la mer, une distance de 13 kilomètres, ça veut dire un quart d'heure de trajet d'un char moderne. Ça veut dire qu'en l'espace de un quart d'heure, l'État palestinien qui se trouverait à l'est pourrait couper l'État d'Israël en deux. Ça veut dire que l'État d'Israël, à terme, serait condamné à mort. accepter pour Israël, accepter la création d'un État palestinien qui ne soit pas démilitarisé, qui ne soit pas en parfaite symbiose avec Israël, ce serait tout simplement un suicide. Par conséquent, Israël n'aura d'autre solution que de refuser cet accord. Et si Israël refuse cet accord, ce qu'espère bien évidemment la partie arabe, cette partie arabe pourra se tourner vers ce que l'on appelle la communauté des nations, disons, vous voyez, ce méchant Israël, il vient de refuser ce que l'ensemble des nations ont accepté. Il se met au banc des nations. Et par conséquent, puisqu'il refuse d'exécuter ce que les nations lui ordonnent de faire, et puisque nous ne pouvons pas récupérer notre État, nous les Palestiniens, venez nous aider à le récupérer. Et alors s'accomplira ce qu'annonçaient tous les prophètes, tous, à savoir qu'au temps de la fin, les nations, toutes, sans exception, monteront contre Jérusalem pour la détruire. Et Israël se trouvera seul dans ce contexte-là. C'est tellement vrai que l'État d'Israël prend très au sérieux cette situation-là. Et je sais de bonne part, par l'intermédiaire d'un de mes amis qui a eu contact avec des membres de l'état-major israélien, que cet état-major de l'armée d'Israël travaille actuellement sur des plans qui se consisteraient en une attaque des nations contre Israël du type Kosovo. Vous vous souvenez ce qui s'était passé au Kosovo? Ça ne voulait pas dire qu'il y avait des représentants des armées de toutes les nations, mais puisque cette opération militaire était placée sous le compte de l'ONU, ça veut dire que toutes les nations, d'une certaine manière, y étaient associées. Je rassemblerai toutes les nations contre Jérusalem. Il y a très longtemps que la partie arabe rêve d'une opération de ce type, mais jusqu'alors, l'opposition des États-Unis a rendu impossible son exécution. Encore l'an dernier, comme je vous le disais, les États-Unis, bien qu'ils aient un président pro-arabe, ont été obligés de mettre leur veto. Mais un jour viendra où cette opposition des États-Unis à cette opération cessera. Sera-ce avec Obama, s'il est réélu en novembre prochain? Sera-ce avec un de ses successeurs? Ça, nous ne le savons pas. Mais tôt ou tard, cela arrivera pour une seule et simple raison, parce que la Bible le dit. Il y a quelques années de cela, je prêchais sur ce thème dans un certain lieu. Et à la fin de mon intervention, un frère est venu vers moi et m'a dit, écoutez, il y a un point sur lequel je suis en désaccord avec vous. Vous avez dit tout à l'heure que les États-Unis, qu'il fallait s'attendre à ce qu'un jour les États-Unis abandonnent Israël. Or, vous savez, moi, je connais très bien les États-Unis. J'en reviens et je peux vous dire une chose. Jamais, jamais les États-Unis n'abandonneront Israël. J'ai répondu à ce cher frère, j'ai dit, mon frère, il faut jamais dire jamais. Surtout quand la Bible dit le contraire. Parce que la Bible nous dit toutes les nations. Et toutes les nations, ça concerne aussi les États-Unis. De Gaulle disait ceci, les nations n'ont pas d'amis, elles n'ont que des intérêts. C'est pourquoi elles sont ces pouvoirs bestiaux dont nous avons parlé. Et par conséquent, il y a une chose certaine, c'est que quand les intérêts des États-Unis iront dans ce sens-là, et nous avons vu tout à l'heure avec cet exemple de notre ami journaliste que c'est déjà, encore une fois, il y a ce que l'on sait et il y a ce que l'on ne sait pas. Et un jour, cela malheureusement se produira. Et l'État d'Israël en est parfaitement conscient. Il est en train de se préparer à cette situation-là, comme je vous l'ai montré il y a un instant. Mon fils, qui est là-bas sur place, pourrait vous en parler aussi un bout sur ce thème-là. Et c'est alors que ces deux rois, le roi du Nord et le roi du Sud, se lie contre Israël. Et il nous est dit ceci, chapitre 12, verset 1er. Alors, verset 45 d'abord du dernier chapitre. Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne. Puis il arrivera à sa fin sans que personne ne lui soit en aide. C'est une allusion à ce texte que nous avons rencontré au chapitre 2 du livre du prophète Daniel, où on voit une pierre se détacher de la montagne, et le mot important est celui-ci, sans le secours d'aucune main. Et on retrouve ici un parallèle avec ce que nous trouvons dans ce verset, sans que personne lui soit en aide. Ça veut dire une intervention divine va mettre en déroute ces armées qui vont monter contre Jérusalem. Bien que l'État d'Israël est une armée qui soit forte, il est bien évident que cette armée ne pourra pas faire le poids contre toutes les armées des nations. Et ici, il nous est dit, chapitre 12, verset 1er, ce sera un temps d'affliction. L'hébreu dit « et tsara », un temps de détresse. Israël sera dans une situation quasi désespérée. Israël sera à la veille d'une nouvelle Shoah, car ses adversaires, en tout cas la partie arabe, ne fait pas mystère de ses intentions. Le but, ce n'est pas simplement l'extermination d'Israël en tant qu'État, mais il s'agit bel et bien d'un génocide. Pour les Arabes, ce ne sont pas simplement les Juifs d'Israël, les Israéliens, les sionistes comme ils les appellent, qui sont à éliminer, mais ce sont les Juifs du monde entier. Car tout Juif est un sioniste potentiel. Il y a un verset dans le Coran, il faut connaître un petit peu aussi l'eschatologie arabe, c'est pas triste, croyez-moi. Et notamment, il y a un verset du Coran qui dit ceci, au temps de la fin, pour que le règne de l'islam s'étende sur le monde entier, il faudra que le peuple juif soit éliminé. Et au temps de la fin, quand Allah donnera la victoire à son peuple, il ordonnera d'anéantir tous les juifs. Et s'il y a un juif qui se cache derrière un arbre, cet arbre dira « Ô musulmans, il y a un juif qui se cache derrière moi, viens et tue-le. » Par conséquent, Israël sera à la veille d'une nouvelle Shoah, et tsara. Il y a dans le livre du Deutéronome un autre texte qui va dans le même sens. Il dit « Au temps de la fin, be'acheret hayamim » on dit en hébreu. Et ça, c'est souvent très mal traduit dans la plupart de nos Bibles. On traduit « dans la suite des temps » ou « dans l'avenir ». Ça peut aussi vouloir dire ça. Mais le sens le plus courant de cette expression « acheret hayamim » en hébreu, c'est la fin des temps, comme il est écrit ici dans notre texte, au temps de la fin. Au temps de la fin, un malheur t'atteindra. Ça veut dire pas n'importe quel malheur. Il y a déjà eu de grands malheurs dans toute l'histoire du peuple d'Israël, mais un malheur d'une nature particulière. Et commentant ce texte, les sages d'Israël ont dit, il s'agit de la guerre de Gog et Magog, qui est décrite dans le chapitre 38 et 39 du prophète Ézéchiel, qui correspond à ce que nous appelons la guerre apocalyptique ou la guerre d'Armageddon. Un malheur t'atteindra, ce sera un temps de détresse. Dans la plupart de nos Bibles, cette expression « et tsara » est traduite par « tribulation ». Et ce mot a donné lieu à toutes sortes de spéculations. Et il y a, dans certains milieux chrétiens évangéliques en particulier, l'idée que cette tribulation, comme on l'appelle, correspond à 7 ans, à cause de la 7e semaine de Daniel que nous avons étudiée hier. Je passe sur tout ce que l'on a dit sur cette période de la tribulation, sur cette période de 7 ans, qui correspondrait au livre de l'Apocalypse. Bon, je sais que certains se feraient couper en morceaux, plutôt que de renoncer à cette idée de la tribulation, Alors comme je n'ai pas envie d'être brûlé vif, et que je ne vous ai surtout pas ici choqué qui que ce soit, si vous croyez à cette tribulation, continuez à y croire, moi ça ne me dérange pas du tout. Mais quand nous lisons ici cette expression « et Sara », qui a été la base de cette idée de la tribulation, et Jésus reprend ce mot dans les discours apocalyptiques, que nous avons lus hier en particulier, mais ici dans ce contexte, la tribulation ou le temps de détresse concerne Israël, concerne ce temps où toutes les nations rassemblées autour de Jérusalem placeront l'État d'Israël devant la menace, et pas seulement l'État d'Israël, mais les Juifs du monde entier, devant le danger d'une nouvelle Shoah. Et humainement parlant, Israël se trouvera alors dans une situation totalement désespérée. Et notre texte nous dit ceci. Dans ce temps-là, remarquons aussi une chose. C'est que dans les prophéties, là, chaque fois qu'il est dit « dans ce temps-là, dans ces jours-là, voici les jours viennent », c'est que nous avons affaire à une prophétie qui concerne la fin des temps. C'est comme ça qu'on l'a toujours interprété dans le judaïsme. Donc dans ce temps-là, c'est bien justement la fin des temps dont il s'agit. « Se lèvera Michaël le grand chef, celui qui tient bon en faveur des fils de ton peuple. Ce sera ce temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. Mais ton peuple en réchappera. » Ah. Comment ce salut interviendra-t-il? Nous l'avons lu dans la fin du chapitre précédent. Sans que personne ne lui vienne en aide, sans le secours d'aucune main. Et qui est celui qui va secourir le peuple d'Israël dans ce temps-là? Ça nous est dit dans notre texte. Michaël, le grand chef. Michaël, qui est l'ange protecteur d'Israël. On le trouve déjà dans les chapitres précédents du livre du prophète Daniel, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire. C'est dans les livres considérés comme inspirés par le judaïsme et par le protestantisme, ce sont le nom des deux seuls anges que l'on connaisse. Et lorsque nous lisons ce qui est écrit dans le livre du prophète Zacharie au chapitre 14, où il nous est dit que les pieds du Seigneur, les pieds du Messie se poseront sur le mont des Oliviers, il viendra et tous ses saints avec lui. Alors je vais revenir là-dessus dans un instant. Qui sont les saints? Eh bien, ce sont les élus qui seront partis à la rencontre du Seigneur dans les airs, mais ce sont aussi les anges. Dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur vient avec toutes ses armées. Dieu est le Dieu des armées. Et le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, nous montre le Fils de l'homme qui vient à la tête des armées célestes. Ces armées célestes, ce sont les anges. Et si j'ose dire, l'adjoint du commandant en chef des armées célestes, le commandant en chef, c'est bien sûr le Fils de l'homme, c'est le Messie, mais l'adjoint du commandant en chef, c'est Michaël, un des anges les plus puissants qui sont dans la hiérarchie céleste. Et ces armées célestes vont combattre en faveur du peuple d'Israël et vont disperser ces nations. Si je reviens, par exemple, au texte de psaume 83, dont nous avons parlé tout à l'heure, où nous voyons aussi cette coalition des nations qui se crée autour d'Édom et d'Ishmaël, le Seigneur dit, « Seigneur, traite-les. » Alors, ça, il y a un mot ici très particulier qui est difficilement traduisible en français, « traite-les comme le Galgal ». Alors on traduit comme du chaume qu'emporte le vent, etc. C'est pas ça. On n'a pas le choix, parce que le mot Galgal n'existe pas en français. Galgal, c'est une plante, c'est un chardon qui n'existe qu'en Israël. C'est un chardon qui prend tout d'abord la forme d'une jolie petite fleur bleue au printemps. Il est emporté par le vent, la semence est emportée par le vent, et elle se met dans tous les champs cultivés. C'est un poison pour les agriculteurs. Cette jolie petite fleur bleue, en effet, au fur et à mesure que le temps passe, se transforme en une horrible boule d'épines, d'où le nom de Galgal, ce qui signifie ce qui est rond en hébreu, une boule. Et cette boule de piquant, elle a des racines piquantes également très profondes. Ça veut dire que c'est pratiquement impossible à arracher. Et c'est encore une fois un poison pour les agriculteurs, parce que quand on a un champ qui est infesté de galgal, vous ne pouvez pas vous en sortir. Or, il suffit d'attendre. À la fin de l'été, c'est-à-dire, disons, à la fin du mois d'août à peu près, ces racines qui étaient pratiquement indéracinables se dessèchent. Et soudain, on a la surprise de voir ces boules de piquant qui étaient pratiquement indéracinables, qui s'envolent comme une plume au vent au moindre souffle de la brise. Et soudain, les champs sont débarrassés de ce galgal en l'espace de quelques heures, quand vient ce temps où ces racines se dessèchent et où le vent se met à souffler. Seigneur, traite-les comme le galgal. Le galgal, il en est question aussi dans un passage du livre du prophète Ésaïe, où il est dit « Au temps de la fin, toutes les nations seront comme le galgal. » Et l'image ici est tout à fait parlante. Quand ces nations monteront contre Jérusalem, elles seront comme ces espèces de boules d'épines et qui sembleront invincibles. De la même manière que le galgal est indéracinable, on aura l'impression que ces nations sont invincibles. Mais de la même manière que les racines du galgal se dessèchent sans qu'on s'en aperçoive, et qu'alors il suffit d'un souffle de vent pour les disperser, c'est ce qui se passera. Le Seigneur soufflera sur eux, dit le prophète Ésaïe, et elles subiront le sort du galgal emporté par le vent. Nous avons lu hier ce texte où il est écrit que le Fils de l'homme, le Messie, l'homme de l'Esprit, du souffle de sa bouche, il fera périr le méchant. C'est la même idée. Traite-les comme le galgal emporté par le vent. Et enfin, un dernier point. Quiconque sera trouvé dans le livre de vie, beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte éternelle. Le livre de vie. Il en est question aussi, bien sûr, dans le Nouveau Testament. Je vous ai dit, le premier soir en commençant, que le livre de Daniel était à la base de bien des notions fondamentales du Nouveau Testament. Cette idée du livre de vie, qu'on retrouve ensuite, par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, eh bien, elle nous vient directement du livre de Daniel. Quiconque sera trouvé écrit dans le livre de vie. Et notre texte nous dit ici, beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et pour l'opprobre éternel. Et voyez-vous, cette venue du Messie en gloire, à la tête des armées célestes, sera liée à un autre événement extraordinaire, qui, évidemment, n'a jamais eu d'équivalent dans l'histoire, la résurrection des morts. Je vous ai dit le premier soir que l'Évangile pouvait se résumer en une phrase. Christ ou le Messie est ressuscité. C'est tout. Quand on a dit ça, on a tout dit. Paul disait, c'est pour l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Ça veut dire que son christianisme, son évangile, il était lié à cette espérance de la résurrection des morts au dernier jour. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la résurrection des morts. Et il y a beaucoup d'idées fausses dans le christianisme au sujet de la résurrection des morts. Et ce qui nous joue un grand tour, c'est l'expression qu'on trouve dans le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, où quand il parle du corps de résurrection, l'apôtre Paul emploie une expression que nous comprenons mal, un corps spirituel. Or, nous sommes marqués par la philosophie grecque, sans même que nous le sachions. Peut-être que tout le monde ici n'a pas étudié en détail la philosophie de Platon ou d'Aristote, mais même si nous ne l'avons pas étudiée, nous en sommes tributaires sans le savoir. Platon et les Grecs considéraient que l'homme était à la fois un être matériel, et un être spirituel. L'homme était mauvais, ça, les Grecs étaient bien obligés de le reconnaître, et disaient d'où vient de ce que l'homme soit mauvais ? Il est mauvais parce qu'il est un être matériel. Ce qui est matériel est mauvais, c'est ce qui est spirituel qui est bon. Et l'espérance des Grecs, c'était justement à la mort, d'être dégagé de cette enveloppe terrestre, de cette enveloppe matérielle, pour rejoindre le monde des purs esprits et la félicité éternelle. Or, notre christianisme nous est parvenu par le biais des philosophes grecs qu'étaient les pères de l'Église. Et nous avons plus ou moins cette idée, nous aussi. Il y avait un cantique que l'on chantait en Angleterre il y a bien longtemps, quand j'étais à l'école biblique, disait ceci, à peu près. Un jour qui sera pour moi un jour de joie, je m'envolerai de cette terre pour rejoindre le monde spirituel, le monde du ciel. Excusez-moi, c'est pas biblique, c'est grec. L'espérance biblique est autre. Ce n'est pas d'avoir une enveloppe immatérielle, parce que c'est comme ça que nous considérons le corps spirituel dont nous parle Paul. Un corps spirituel, c'est un corps immatériel. Or, spirituel, dans le langage biblique et donc dans le langage de Paul, ne signifie pas immatériel, il signifie uniquement ce qui vient du ciel, ce qui vient de Dieu, et charnel, ce qui vient de la terre. Et quand Paul nous parle d'un corps spirituel, il ne signifie en rien un corps immatériel. D'ailleurs, le corps de résurrection, c'est le corps que Jésus a eu à sa résurrection. Et c'est justement parce que Jésus est ressuscité qu'il peut, comme nous dit ici les apôtres à plusieurs reprises, être le juge des derniers jours, le Fils de l'homme dont nous avons parlé. C'est pourquoi Jésus dira aux disciples d'Emmaüs, il fallait que le Fils de l'homme meure et ressuscite, parce que s'il ne meurt pas et ne ressuscite pas, il ne peut pas être le juge des morts. Il pourrait être le juge des vivants, mais pas le juge des morts. Mais parce qu'il est mort et ressuscité, par sa mort il peut être le juge des morts, et par sa résurrection il peut être le juge des vivants. Et quand Jésus ressuscite, il a un corps. Le soir de Pâques, il apparaît dans la chambre haute où ses disciples sont rassemblés, alors que toutes les portes sont fermées. Il est passé au travers des portes fermées. Alors imaginez la réaction des disciples. Ils disent, c'est un fantôme. Croyez voir un esprit, un fantôme. Et ils ont peur. Et Jésus les reprend. Je leur dis, mais pourquoi pensez-vous que je suis un fantôme? Pourquoi de pareilles pensées s'élèvent-elles de vos cœurs? Touchez-moi, voyez que j'ai de la chair et des os, ce qu'un fantôme n'a pas. Et comme ils étaient encore dans l'incrédulité, je leur dis, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Et on lui présente un peu de miel et un peu de poisson. Jésus mange devant eux, non pas parce qu'il a besoin de manger, mais pour montrer qu'il peut manger. Et ensuite, les récits de la résurrection nous racontent comment Jésus a mangé et bu avec ses disciples. À Corneille, Pierre le rappelle, il dit, nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Ça veut dire Jésus n'est pas un fantôme dans sa résurrection. Il a un corps matériel. Mais un corps qui a des capacités extraordinaires. Je vous l'ai dit, il passait au travers des portes fermées, il apparaissait, il disparaissait en un instant, etc. C'est un corps qui lui permet de vivre dans une réalité autre que celle de la terre, dans le ciel, que nous revêtirons à la résurrection. Et ce corps, qui sera un corps matériel, bien que glorieux, bien que transformé, bien que profondément différent de celui que nous avons, nous permettra de vivre dans une nouvelle dimension. Nous continuerons à pouvoir vivre dans la dimension terrestre, mais nous vivrons également dans la dimension céleste. Nous serons à la fois du ciel et de la terre. Et je reviens maintenant, et ce sera mon dernier mot, sur le texte que j'évoquais tout à l'heure, au sujet du Messie qui reviendra sur le mont des Oliviers à la tête des armées célestes. Mon Dieu viendra, dit le prophète, et tous ses saints avec lui. Les saints, on l'a dit il y a un instant, ce sont d'abord les anges. Ce sont d'abord les armées célestes à la tête desquelles se trouve Michaël. Mais les saints, ce sont aussi, c'est une désignation qui désigne ce qu'on appelait, nous appelons aujourd'hui les chrétiens. Pour la Bible, tout chrétien est un saint. Tout chrétien véritable s'entend. Et par conséquent, il s'agit des saints qui viennent avec le Seigneur. Mais d'où viennent-ils ces saints? Eh bien d'abord, justement, Paul nous répond. Il y a la résurrection. Et ici, nous retrouverons notre texte de Daniel. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront. Ça veut dire ressusciteront. Et à la résurrection, nous dit l'apôtre Paul, ils revêtiront ce corps glorieux, ce corps qui sera semblable au corps de Jésus dans sa résurrection. Et parce qu'ils auront revêtu ce corps de résurrection, eh bien, ils pourront vivre dans ces deux dimensions, le ciel et la terre. Maintenant, il y a un autre problème. Quid des saints qui seront vivants à cette époque-là? Bon, est-ce qu'il va falloir qu'ils meurent pour ressusciter eux aussi? Ce serait un peu bête. Alors nous dit l'apôtre Paul, ils seront transformés en un instant, leur corps charnel, ça veut dire ce corps qui porte l'image du premier Adam, du terrestre, du terreux, c'est son nom. Adam tiré de la Adama, ça veut dire le terreux. C'est comme ça que traduit André Chouraki, par exemple. Eh bien, ce corps terreux, ce corps terrestre, sera en un instant transformé dans l'image du corps de Jésus, le corps céleste. Alors nous pourrons aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ce corps-là nous permettra de vivre dans les deux dimensions. Mais c'est pour revenir. Mon Dieu viendra et tous ses saints avec lui. C'est normal, puisque ce corps nous permettra de vivre à la fois dans le ciel et sur la terre. Et nous régnerons avec lui dans ce royaume messianique que le Fils de l'homme instaurera. Et cette nouvelle vie dans laquelle entreront alors les élus, les saints, ici notre texte l'appelle Chaye Olam, la vie éternelle. C'est la première fois dans toute la Bible qu'on rencontre cette expression qui va revenir si souvent dans la prédication de Jésus et dans la prédication des apôtres. L'espérance qui est proposée aux chrétiens, c'est la vie éternelle. Mais voyez-vous, la vie éternelle, ce n'est pas une vie en tant que fantôme désincarné quelque part dans le ciel. La vie éternelle, c'est cette possibilité de revêtir ce corps de résurrection, ce corps nouveau. C'est pourquoi, encore une fois, la résurrection des morts est à la base de notre espérance. Et Paul dit à ses Corinthiens qu'il niait cette résurrection pour ne se voir proposer que cette espèce de vie d'ectoplasme quelque part dans un endroit du ciel mal défini. Il dit, si vous croyez ça, votre espérance est vaine, vous niez la résurrection de Jésus et vous êtes encore dans vos péchés. Les uns se réveilleront pour la vie, les autres pour la honte éternelle, ça c'est un autre problème, mais pour la vie éternelle. L'heure vient et c'est maintenant, dit Jésus, où les morts entendront la voix du Fils de l'homme, et ceux qui l'entendront sortiront de leur tombe et vivra pour l'éternité. Parce que moi je suis le pain de vie, celui qui mange de ce pain vivra pour l'éternité. Nous arrivons à la veille de ce temps, de ce processus. Quand aura lieu cette résurrection des morts? Quand aura lieu ce rassemblement qui, comme je l'ai expliqué, on appelle en général dans le milieu l'enlèvement, mais c'est un mot qui n'est pas biblique. Le mot biblique, c'est le rassemblement avec le Seigneur dans les airs. Nul ne sait ni jour ni l'heure. Et cela viendra lorsque personne ne s'y attendra. Ce soir, je vais vous parler de l'épreuve de l'attente, à partir du dernier verset du livre du prophète Daniel. Et nous allons voir que justement ça, c'est le plus grand des mystères du Nouveau Testament. Et Jésus, justement, commentant ce fait que personne ne connaît ni jour ni l'heure, et du temps de son incarnation, Jésus ne le savait lui-même même pas, il le dit. Alors la nécessité, c'est d'être prêt en tout temps. Si vous ne croyez pas à la résurrection, alors vous êtes encore dans vos péchés. Et je termine sur ce texte avec lequel j'ai commencé la retraite l'an dernier. Crois-tu aux prophètes? Crois-tu aux prophéties? Voyez-vous, être un véritable enfant de Dieu, c'est croire, comme le dit l'apôtre Paul, à tout ce que les prophètes ont annoncé, tout ce que les prophètes et Moïse ont annoncé. Toute notre foi chrétienne, toute notre foi néo-testamentaire, elle est déjà en germe dans ce livre extraordinaire qu'est le livre du prophète Daniel. Cet enregistrement vous a été proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Écoutez et téléchargez gratuitement des milliers d'enregistrements. www.trésorsonore.com